sau café bom. Ai, ai, tu sau café. Ai, ai, leo ca danse, le nu enlace. Leo ca wine si mwe con sa. Leo ca pale, leo ca shhh. Pas j'en arrête. Au café, c'est bon. Fait, caprice c'est vous qui l'aimez. Enseignant non ma visée. En paix que jamais quitté au bâti. Carissé, pour voir qu'on les alisait. Tête baissée, des yeux fermés. C'est meilleure manière pour ressentir. Si vous encore déjà oublié. Qu'elle ou pas tout seul. En foule, monde m'essaye. Qui vous moins qu'à voir. Tout ça au café, bon. Aïe aïe. Au café, oh, aïe aïe. Léo ka danse, le nou enlace. Léo ka wine si mwen kon sa. Léo ka pale, léo ka shhh. Pas j'en arrête, tout ça au café. Depuis où rive, en vrai ou te kagale mwen. Pense bouc discret donc on pas montre aïe. En regard échangé, yon ti sourire en coin. En tes gens savaient qu'il y a des caïpines mon homme. Vous gardez moi en zé, pendant nous qu'à danser. En vrai ou excité, ou ni du mal à cacher. Les gens nous rapprocher, même si nous pas connaître. Nous danser, vie en danger, passe tout ça au café bon. Aïe aïe, tout ça au café. Aïe aïe, les gens qu'à danser, les nous enlacer. Léo ka wine si mwen kon sa. Léo ka pale, léo ka shhh. Pas j'en arrête, tout ça au café bon. Chanti lè mwen levé, mwen pati sa. Ke veyan mwen te kaye changé. Depi mwen fréon, si ou te sa. Tellement question mwen ka pose mwen. On pa ka kwen adon a sa. Non, non, non. Peke lè se ou pati kon sa. Les nous enlacer, les hauts kawaii, si moins qu'on sait.